vie d'être violent, beaucoup moins d'être sincère. Ne pas mourir, ce n'est qu'à ça que l'on est sincère. On va tous finir l'âme dans les viscères ou partir à l'asile plein de fond des viscères. Quand la faute nous guette, on trouve. C'est pas joli, mais c'est vrai, mais tout le monde s'écoute. La journée des mots viendront me tenter. Je sais depuis que mon padre à l'HP est entré. Depuis que j'ai goûté au psychédélique, j'ai même douté. C'est le psy qui délire, pourquoi l'écouter? Avant de me dire, mais toi t'es fou, t'es c'est ton fou, t'es tu vois même pas t'es dérouté. T'es à l'ouest, loin, solitaire, pauvre, un putain de cowboy sans les vaches. L'agriculteur sans les terres d'Amérique sans les sioux, les apaches. Par orage, je suis dé du côté obscur de la force, pas rassuré de passer pour le dindon de la face. À cause de la paraffine, j'ai vécu des trucs pas rarement, la paranoïa dans le cerveau. Mais je n'ai plus peur de la mort. Je l'ai dompté et compté les secondes à l'approche du sort. La vie c'est fort, mais y'a rien de l'autre côté. Ça fait flipper plus d'équipés, tous les types voudraient des flippes. C'est le kit complet, made in France. Peur de la peur, pour la peur, par la peur de la mort. Alors qu'au final on y passe tous. Mais je n'ai plus peur de la mort. Je l'ai dompté et compté les secondes à l'approche du sort. Il y a rien de l'autre côté, rien à faire autour de l'autre côté. Vas-y choisis la mort ou la folie. La folie pour gâcher la vie, voir de l'eau défaillante, des clapots, que c'est pas c'est la mort. Rien faire autour de l'autre côté. La beauté, ça passe la mort au lit, mais la folie pour gâcher la vie, voir de l'eau défaillante. Vas-y choisis la mort ou la folie. Quand je suis plein, j'ai l'impression de voir le vide. Quand je peux bien, c'est pire car je suis lucide. Décidez-moi, si des laissez des mots, se demander si c'est difficile de s'endormir. Sous acide, me cache dans mes caches, je rate mon foi en bougeant les bras sur du raton. Mais quand j'ai raté, fonctionne-moi, je tourne le bac à mon mal. Comme une grande tarte, les pipailles en poudre, mais c'est moi dans l'ordre, mon esprit pas pour fouille. Baston et mépris, ça rend coup. Donc passons à l'action, je détruis ça sans foudre et je m'en fous de grailler. Je bouffe pas de la semaine, mais je suis fourraillé au cas où ça